À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, le Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique a inséré le 2 juin dans le homepage d'Internet le texte intégral de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, « Soyez les piliers d'une Corée puissante et prospère ».